L'automne est arrivé, mais il ne faut pas oublier de penser à notre retraite et surtout de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de vous aider à atteindre votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer l'équipe dynamique et sympathique de Service financier Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe rappelle que l'achat local est vital pour protéger nos emplois et notre économie. On a parlé avec Yannick Jean la semaine passée. Là, maintenant, on va parler avec notre joueur du Haut-du-Lac, Fabrice Fortin. Salut Fabrice. Salut Danny. Fabrice, deuxième saison avec les Saguenayens. Comment tu entrevois cette saison-là? Je suis super enjoué. J'ai super hâte. Dans le fond, la saison a commencé. J'ai super hâte à l'avenir de la saison. J'ai hâte. On est une équipe jeune, puis je pense que ça va être vraiment le fun de travailler tous ensemble là, pour se présenter à chaque match puis faire de notre mieux. C'est la progression de l'équipe. Hein. J'en parlais avec Yannick Jean la semaine passée. Vous visez certainement une progression là, au courant de la... C'est ça qui est important pour vous. Là. C'est d'arriver au fait, avoir un meilleur rendement et ainsi de suite. Oui, exactement. On travaille fort, tous les joueurs individuellement pour s'améliorer. On en profite pour faire plus de sessions individuelles sur la glace, hors glace. Comme tu as dit, là, comme tu as mentionné, on travaille fort pour se développer individuellement puis en équipe aussi. Cette année, il y a des chaises pour toi. Là. L'équipe est jeune. En première moitié de saison, en match après saison, tu as joué sur le premier puis le deuxième trio. Donc, certainement que tu dois, t'en profites, c'est une année importante pour toi pareil. C'est sûr que. C'est ma saison de 18 ans, puis je pense que c'est important que je performe d'une certaine manière. Puis c'est dans mes objectifs à court terme aussi, de connaître une bonne saison pour mes 18 ans. Puis je suis positif, puis je me fais pas trop d'attente. J'arrive à l'aréna, je fais ce que j'ai à faire, je m'amuse, puis je pense que les bonnes choses vont arriver si je fais les bonnes choses hors glace et à l'aréna dans les pratiques, etc. T'as-tu pris les bouchées doubles cet été, le fait que côté entraînement, côté préparation? Oui, c'est sûr que après ma saison recrue, j'étais prêt mentalement déjà à commencer ma deuxième saison. Là, c'est sûr que j'avais vraiment hâte aussi, parce que une saison recrue, c'est pas comme une saison, mettons, deuxième année, troisième année dans le junior. Ouais. Puis tu sais, j'étais déjà plus confiant au camp d'entraînement, puis plus je suis confiant, puis je pense que, dans le fond, plus je suis confiant, puis meilleur que je suis, je pense. OK. Dis-moi, Fabrice, si on parlait un peu du côté de la foule, jouer avec l'année passée, j'avais joué avec pas de foule, retrouver la foule, ça doit être spécial un peu, hein? Ah oui, c'est un sentiment que, c'est ça qu'on parlait justement avec les gars après la game, là, après notre première game avec des partisans, c'est tellement le fun. Ça faisait, je pense, ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas joué devant des partisans, un an, en mars 2019, je pense. Ouais. Puis, ouais, c'est ça qu'on parlait dans la chambre, là, ça, on avait tous des frissons, là, ça fait, tu sais, les bruits d'une foule électronique, une fausse foule, on a connu ça aussi, fait que, tu sais, des vrais cris avec une vraie foule, c'est vraiment le fun. Ça doit aider motivant. Certainement, hein, mais ça doit être un petit boost supplémentaire, hein. Ah oui, ben moi personnellement, ça me donne de l'adrénaline. Là. Je le sens quand j'embarque sur la glace dans le warm-up. Il y a des partisans partout avec des chandails, des Saguenayens. C'est vraiment motivant. OK. Ben Fabrice, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va te parler une partie de la saison certainement. On va te souhaiter la meilleure des chances cette année. Je sais que Yannick Jean a dit qu'il y a de la place pour toi. La constance, quand il parle de constance, sais-tu un peu ce qu'il veut dire ou tu connais un peu ce que tu as à faire pour avoir plus de glace? Oui, bien sûr. Je sais qu'est-ce qu'il veut dire par constance. C'est un des points que j'ai personnellement à améliorer. Personnellement, c'est ça, améliorer ma constance pour être, dans le fond, connaître des meilleures rencontres. Pas des meilleures rencontres, des meilleures performances à chaque rencontre. Okay. Être le meilleur de moi-même le plus souvent possible. Être bon sans la rondelle aussi, c'est important, ça a l'air. Oui. Dans notre zone défensive, en offensive, partout. Ben Fabrice, on va souhaiter la meilleure des chances. Bravo, puis au plaisir de se reparler tout au long de la saison. Merci beaucoup. Fabrice Fortin des Saguenayens de Chicoutimi.